1991, à quelques kilomètres de Marseille, refaisait surface une grotte préhistorique découverte par Henri Cosquer, un plongeur spéléologue quelque peu intrépide. Cette grotte Cosquer entre deux mondes et très dangereuse d'accès révélait soudain des représentations picturales dont certaines restent parmi les plus inédites de l'art pariétal. 30 ans plus tard, du fait de l'accélération de la hausse du niveau des mers, la grotte Cosquer et ses merveilles fragiles tendent chaque jour un peu plus vers leur effacement annoncé. C'est donc à une course contre la montre que se livrent les spécialistes de la grotte et les équipes dédiées à sa reconstitution pour la garder en mémoire, à défaut d'en conserver la trace. Grotte Cosquer, emportée par la houle, c'est la plongée contre temps et marées que nous allons réaliser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nager ensemble vers cette grotte préhistorique, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Carole Fritz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'art préhistorique, directrice de recherche CNRS à la Maison des sciences de l'homme de Toulouse et directrice de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Avec nous également Édouard Barre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes climatologue, chercheur au CEREJ à Aix-en-Provence et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Évolution du climat et de l'océan. Mais avant de prendre le chemin de la grotte Cosquer, il est l'heure de retrouver celle qui plonge en apnée tous les jours dans l'océan des actualités scientifiques pour vous offrir des perles de connaissances. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Physical Review Letters. Pour la première fois, Parker Solar Probe a pénétré dans l'atmosphère du Soleil. Et en ce moment, l'héliophysique est en pleine effervescence. Cette sonde de la NASA a embarqué avec elle des instruments pour mesurer le vent solaire. Ce gaz ionisé, fait de particules électriques, qui s'échappe du Soleil en permanence et qui se propage vers toutes les planètes du système solaire. Le 28 avril dernier, la sonde a traversé la couronne solaire et s'est rapprochée suffisamment pour arriver en dessous du point d'Alven, une région où nous ne sommes jamais allés. Parker Solar Probe y a passé 5 heures, son bouclier thermique a tenu. Donc pour la première fois, nous avons des mesures in situ de cette région. Et plus la mission avance, plus on va se rapprocher du Soleil. On attend les résultats du 10e passage de la sonde. 14 autres sont prévus. Pour les sciences solaires, c'est l'équivalent du premier atterrissage lunaire. Léa Gritton est maître de conférence à Sorbonne Université et chercheuse au LESIA à l'Observatoire de Paris. Le fameux vent solaire, c'est un plasma. Le plasma, c'est le quatrième état de la matière, comme on dit souvent. Donc sur Terre, vous connaissez la matière à l'état solide, liquide et gazeux. Et donc quand on chauffe encore plus la matière, elle se met à l'état de plasma. Ce sont des particules électriques qui interagissent avec le champ magnétique. Et en fait, au-delà du point d'Alven, c'est les particules, on va dire, qui entraînent le champ magnétique, alors qu'en dessous du point d'Alven, c'est le champ magnétique du Soleil qui domine la physique et qui a plus d'influence sur les particules qu'à l'inverse. Et donc c'est cette région où le champ magnétique du Soleil domine la physique qu'on a exploré pour la première fois avec Parker Solar Probe. Au premier passage de Parker Solar Probe près du Soleil, en novembre 2018, on s'est effectivement rendu compte que le champ magnétique, qui était censé être radial, en fait, il s'inversait localement, il faisait des sortes de zigzags très très souvent, beaucoup plus souvent que ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. C'est ce qu'on appelle des switchbacks, des réversions de champ magnétique. Et donc ça, c'est un phénomène qui effectivement a beaucoup intéressé la communauté scientifique. Il y a eu une vingtaine d'articles scientifiques qui sont sortis rien qu'en 2020 sur les switchbacks. Et donc maintenant, on essaye de comprendre à quoi ils sont dus, s'ils se forment très proches du Soleil et qu'ils disparaissent ensuite, par exemple, s'ils sont liés au phénomène de chauffage de la couronne solaire, qui est une des grandes mystères de l'héliophysique actuelle. Et donc voilà, c'est ce genre de découverte qu'on fait parce qu'on est tellement proche du Soleil qu'on peut enfin voir toutes ces choses sur place, qui en fait permettent de remettre en question les théories actuelles que l'on a sur le chauffage de la couronne solaire pour aller plus loin dans ces théories en fait. Pour nous, c'est effectivement comme si on touchait le Soleil. Alors évidemment, on le touche pas, hein, parce qu'on déjà n'est pas là-bas. Mais en plus, on n'est pas non plus si, on n'est pas à la surface visible du Soleil que nous on peut voir depuis la Terre. Et donc ça, c'est une révolution, parce que en fait, jusqu'à présent, l'étude du Soleil, elle était coupée en deux entre les personnes qui utilisaient des observations à distance de la couronne solaire et les scientifiques qui utilisaient des données du vent solaire mesurées sur place, au niveau de la Terre, au niveau des planètes, mais toujours quand même, grosso modo, plus loin que l'orbite de Mercure. Et là, pour la première fois, on a des mesures in situ du vent solaire très très proche de notre étoile. Et donc, tous les 3 mois, on découvre des nouvelles mesures plus proches du Soleil que ce qu'on n'a jamais été auparavant. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur notre fil Twitter @laméthodefc. Vous pouvez également réécouter le Journal des Sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Hier, le laboratoire français Sanofi a annoncé un nouveau retard pour la sortie de son candidat vaccin contre le Covid-19. Après avoir abandonné en septembre son candidat vaccin à ARN messager, après un report de 6 mois sur son actuel vaccin à protéines recombinantes, voici donc un nouveau retard pour Sanofi. Ses essais cliniques de phase 3 n'ont pas encore abouti. C'est la dernière étape avant d'obtenir une autorisation de mise en vente. Ces résultats devaient être prêts pour la fin de l'année pour une mise en vente en 2022. Mais le laboratoire doit encore collecter plus de données et notamment inclure un plus grand nombre de participants qui n'ont encore jamais été contaminés par le virus. Ces résultats ne seront pas prêts avant le premier trimestre 2022. Sanofi a annoncé, je cite, qu'un vaccin français, ce sera peut-être pour une 4e dose. En bref toujours, selon une étude parue dans la revue Microbial Ecology, le microbiome marin a évolué pour digérer le plastique. L'équipe suédoise a analysé des échantillons d'ADN environnemental, des sols et des océans du monde entier. Ils ont cherché dans l'ADN microbien des gènes qui codent pour des enzymes qui dégradent le plastique. Tous les organismes vivants produisent des enzymes pour métaboliser les animaux. Ils ont découvert 30 000 homologues enzymatiques capables de dégrader 10 types de plastiques différents. De plus, ces niveaux d'enzymes microbiennes sont particulièrement élevés dans les zones particulièrement polluées. Alors certes, cette étude montre la grande résilience de la vie microbienne, mais pour les chercheurs, c'est une preuve supplémentaire de l'ampleur de la pollution plastique. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Scientific Reports, les Néandertaliens ont défriché des forêts. Cette équipe allemande a analysé le site Neumark Nord, en Allemagne, un site vieux de 125 000 ans qui a été occupé par les Néandertaliens. Les données paléo-environnementales et archéologiques nous apprennent d'une part que cette zone est beaucoup moins boisée que les régions aux alentours et d'autre part qu'il y a eu une forte utilisation du feu. Lors de l'apparition des Néandertaliens dans cette zone, on voit un pic des dépôts de charbon de bois qui sont laissés par les incendies. Les Néandertaliens auraient donc brûlé la végétation pour sculpter le paysage. Voici un exemple précoce du rôle des hominidés dans la transformation des écosystèmes. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve demain pour le Journal des Sciences de la semaine. Un Lascaux sous les eaux. En 1991, une grotte est repérée entre Marseille et Cassis. À 37 mètres de profondeur, un plongeur a découvert son embouchure. Il s'agit d'Henri Cosquer, qui laissera son nom au lieu. C'est là que j'ai découvert des chevaux peints, des bisons... Chevreuil, cerf, des oiseaux. La grotte Cosquer est une avancée pour l'archéologie. Comme à Lascaux ou à Chauvet, les parois sont ornées de chevaux, de bisons, mais parmi ces œuvres, datant de 15 000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, certaines interpellent les spécialistes. Il y a à peu près 25 mains négatives. Les grosses surprises sont les animaux marins, c'est-à-dire il y a 2 phoques et 3 pingouins. Et c'est la première fois en Europe qu'on a des pingouins représentés dans l'art pariétal. Afin de préserver les lieux, la grotte Cosquer a été classée aux monuments historiques dès 1992. Impossible de la visiter. En revanche, des clichés de la grotte ont été présentés lors d'une exposition en 1994 pour la première fois au public à Marseille. En 2000, les parois de Cosquer ont été modélisées par ordinateur en réalité virtuelle. Dans quelques années, il sera même possible de visiter la grotte Cosquer, ou presque. Une réplique sera construite à la Villa Méditerranée à Marseille, accessible même lorsque l'original sera gagné par les eaux. Voilà pour ce reportage Prime Sautier qui plante un petit peu le décor de la grotte Cosquer. Plantons ensemble le décor actuel de cette grotte-là, si vous le voulez bien. Édouard Barre, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu, pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de s'y rendre en vacances, par exemple, ce Cap Morgiou, dans le ventre duquel se situe cette grotte Cosquer? C'est un cap qui fait partie en fait des massifs des Calanques, du parc naturel des Calanques, et donc c'est d'une part une zone géographique totalement préservée et essentiellement formée de carbonates très anciens, caractérisés par des failles, des figures de dissolution et donc des grottes un peu partout, à la fois émergées et submergées, parce que effectivement le niveau de la mer au cours des derniers millénaires a fluctué et donc il y a effectivement tout un réseau karstique à l'intérieur de ce massif des Calanques, avec quelquefois des résurgences d'eau douce dans certaines zones ou des ennoiements de certaines cavités. Et donc c'est quelque chose qui fait partie en fait du massif des Calanques. Et en fait, c'est le même paysage que l'on retrouve aussi à l'ouest de Marseille, avec toute ce que l'on appelle la côte bleue qui va jusqu'à Martigues en fait. Mmh. Donc on a une zone géographique bien particulière avec ce cap Morgeoux qui est un promontoire qui va vers la mer avec quelques îles au-delà. Et cette grotte Cosquaire, son entrée naturelle, en fait, le porche qui mène jusqu'à cette grotte, eh bien, est situé actuellement à 37 mètres sous le niveau de l'eau. Voilà, ça, c'est ce qui fait effectivement faire de la plongée pour aller accéder au niveau de ce qu'on appelle la pointe de la voile, au niveau du cap Morgeoux. C'est ce qui fait de la grotte Cosquaire une grotte exceptionnelle. Je crois même que c'est la seule dont l'entrée est immergée. Carole Fritz, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu la découverte par Henri Cosquaire de cette grotte-là? Je crois qu'il l'a découverte bien avant l'annonce officielle qui en a été faite. Oui, effectivement, il a découvert en 1985. Il le dit, hein. Il l'a signalé en 1991, parce que il y a eu un drame. Trois plongeurs en essayant de rentrer dans la grotte se sont noyés en fait. Et donc il est allé la signaler à la gendarmerie, comme ça doit être fait quand on découvre une grotte ornée, pour que des précautions soient prises et que ce type d'accident ne se renouvelle pas. Il faut aussi Henri Cosquaire était un très très bon plongeur, il est toujours d'ailleurs, mais on lui doit beaucoup parce que je pense qu'il a réellement risqué sa vie pour entrer dans cette grotte. La plongée la spéléo sous-marine est une activité qui est relativement dangereuse, tous les spéléologues qui la pratiquent vous le diront. Et quand il est rentré dans cette grotte, qu'il a passé le boyau et qu'il s'est retrouvé dans une salle, la question c'était, est-ce que j'enlève mon dépendeur ou pas? Et il l'a enlevé. Voilà, il aurait pu très bien avoir un accident grave et rester là à tout jamais. Il l'a fait et bon, on lui doit beaucoup pour cette découverte, c'est certain. On va raconter un petit peu l'historique de cette découverte-là. Peut-être si on continue un petit peu dans le détail, Carole Fritz, de ce qui fait le danger de l'accès à cette grotte Cosquaire. Expliquez-nous un petit peu par quelle péripétie on doit y arriver, par quelle sinuosité dans la roche on doit passer pour rentrer dans cette cavité. Alors, moi, j'y suis jamais allée, donc je vais avoir du mal à vous le dire vraiment. Il faut descendre, je crois que c'est 30 mètres de profondeur. Après, on a un boyau, ce que nous, on appellerait un boyau particulier en spéléo, sans danger, sauf que le boyau, il est sous l'eau. Et que quand vous êtes dans ce boyau étroit avec des bouteilles, un détendeur, des palmes, et quand vous palmez, vous soulevez le sédiment et très vite, vous perdez la visibilité autour de vous. Et si vous n'êtes pas un plongeur aguerri qui contrôle ses émotions, vous pouvez très vite paniquer et très vite vous noyer, bien que vous ayez des bouteilles pleines d'oxygène sur le dos. Le danger majeur, il est là. Et c'est ça que les trois plongeurs qui se sont noyés en 91, en fait, n'ont pas su surmonter. Une fois qu'on a passé ces dangers-là, ça veut dire qu'on a des paliers de décompression pour remonter, etc. On est dans la grotte, on risque pas grand-chose. Maintenant, on le sait, puisque quand il a enlevé son détendeur, il pouvait très bien y avoir un très fort taux de CO2 et de pas pouvoir respirer. Maintenant, les accès actuels ne se font plus par ce boyau-là, donc c'est beaucoup moins dangereux, mais il y a quand même de la plongée à faire. C'est un accès qui est encore difficile. Mmh. Comme le décrivait d'ailleurs justement Pedro Lima dans son article du Monde, il expliquait quand même que c'est encore un peu sportif pour accéder à cette cavité-là. Édouard Barre, si on présente un petit peu la structure, les dimensions générales de la grotte, à quoi elle ressemble une fois qu'on a sorti la tête de l'eau ? Alors, la description de la grotte, je pense que c'est, c'est pas vraiment ma spécialité. Je pense qu'il y a effectivement plusieurs chambres et essentiellement il y a aussi un puits. Je sais pas, peut-être que Carole Fritz pourrait alors peut-être plus, Carole Fritz pour je suis pas vraiment sur la morphologie, la géométrie exacte, ouais, de la grotte. Présentons-la un petit peu, les différentes salles, la structure un petit peu de cette grotte Koskher, Carole Fritz, si vous le voulez bien. Cette grotte, si vous voulez, on est en fait dans les parties supérieures des salles, puisqu'en fait la grotte telle que l'ont connue les paléolithiques, elle est quasi en noyer. Donc on a effectivement plusieurs salles qui se succèdent, mais on est dans les niveaux supérieurs, donc on n'a pas toute la cavité. Du ce fait, Koskher est une petite grotte pour nous, entre guillemets. Hein. On a, si vous voulez, un vestige de ce qu'elle devait être, en fait. Mmh. Voilà. Donc on a des plafonds bas. En réalité, on arrive sur des sols archéologiques. Hein, ça, alors tout ça, c'est décrit par Jean-Claude, Jean Courtin dans leur livre de 1995 hein, avec Luc Vanrel. Donc, il y a des sols sur lesquels il y a des charbons de bois. Le sol archéologique est présent avec des vestiges, hein, des silex, des foyers, etc. Et puis, on a ces petites salles, ces plafonds bas. Et souvent, pour aller voir les gravures ou les dessins, eh ben, il faut se mettre sur le dos ou se mettre à quatre pattes il faut abaisser abaisser son regard pour voir justement ces plafonds décorés ou ces plafonds sur lesquels il y a beaucoup de plafonds raclés, de parois raclées. On a l'impression qu'ils ont récupéré le calcaire. Qu'on appelle du moon mix, qui est un calcaire de décomposition de surface, c'est-à-dire que le calcaire, il est sur quelques centimètres très mou, et on a l'impression qu'ils l'ont récupéré aussi. Donc c'est une petite grotte qui est scientifiquement tout à fait intéressante. Et bien justement, puisqu'elle est scientifiquement intéressante et qu'on s'appelle la méthode scientifique, on va s'y intéresser, ce sera juste après ça. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On plonge dans la roche aujourd'hui à la découverte de la grotte Koskher au large des Calanques, pas très loin de Marseille. Carole Fritz, on a décrit un petit peu la grotte. J'aimerais un petit peu, avant qu'on passe au reportage du jour, qu'on décrive les différentes périodes auxquelles ont été fréquentées cette grotte, puisque ça a son importance dans la compréhension de l'accès qui a pu y être fait. Alors oui, les périodes, on les connaît aujourd'hui grâce à ce qu'on appelle les méthodes de datation, dont Édouard Barre pourra parler. On va dater au carbone 14 des éléments de matière organique pour essayer de construire une chronologie. On a deux grandes périodes représentées jusqu'à maintenant dans la grotte. Une période entre, on va dire, 30 et 34 000 et une période entre 20 et 25 000. C'est dans ces deux échelles de temps que s'organisent hein, les charbons ramassés au sol ou les prélèvements faits directement sur les parois faites au charbon de bois. Voilà, donc on a ce qu'on appelle... un peu, alors est-ce qu'il certainement du gravétien aux alentours de 30 000 et puis un solutréen, ce qu'on appelle la culture solutréenne aux alentours de 20-22 000. Est-ce qu'on a une culture qu'on appelle l'aurignacien un peu plus vers 35 on n'a pas encore assez de données pour aller aussi loin dans cette chronologie pour le moment. Voilà. Édouard Barre, qu'on soit bien d'accord, à l'époque des préhistoriques, on entrait à pied sec, tranquillement, dans cette grotte-là. Voilà. Le niveau de la mer était nettement plus bas qu'à l'heure actuelle. Pendant toute la période en fait, que vient de mentionner Carol Fritz correspond à la dernière grande période glaciaire, et le niveau de la mer était effectivement de l'ordre de 100 à 120 mètres plus bas que le niveau actuel, essentiellement parce que sur le Canada et la Scandinavie, il y avait d'énormes calottes de glace. Il faut imaginer que sur le Canada, il y avait à peu près une calotte aussi grosse que l'Antarctique, et puis un glaçon un peu moindre sur la Scandinavie. Et ces énormes quantités d'eau stockées sur les continents ont eu comme conséquence de faire baisser le niveau de la mer générale. Et donc, il était possible, effectivement, de passer à pied sec, de prendre ce goulot sur 150 mètres que Henri Kosker a fait en plongée de façon très dangereuse et acrobatique, de le faire à pied sec sans aucun problème, bien que à l'époque il fallait effectivement s'éclairer, donc c'était probablement assez difficile aussi. Mais donc le niveau de la mer était effectivement plus bas pendant la glaciation. Pendant la période de transition entre la période glaciaire et la période actuelle, eh bien, cette grotte a été fermée il y a à peu près 10-11 000 ans. Mais encore une fois, l'homme préhistorique pouvait effectivement y aller de façon facile, sans avoir à mettre le pied dans l'eau. Question un petit peu pour qu'on se rende compte, si on veut bien se rendre compte de la distance à laquelle était la mer, si on voulait se mouiller les pieds à cette époque-là, il fallait marcher combien de temps et à quelle distance était finalement l'eau de cette falaise-là qu'on voit aujourd'hui immergée dans le cap Morgiou? Marseille était à 20 km de la mer, donc il fallait effectivement aller relativement loin pour effectivement voir le trait de côte que l'on peut suivre. C'est-à-dire que le trait de côte qui correspond au maximum glaciaire, il est relativement bien cartographié, bien individualisé. On sait exactement où il est. Il est effectivement beaucoup beaucoup plus au large. On connaît sa géométrie et il est relativement facile d'aller le voir en plongée aussi. Bien que ce soit assez profond, effectivement, vers 120-130 mètres. Il y a beaucoup d'informations aussi que l'on peut obtenir en faisant des prélèvements dans la zone de Marseille, justement, pour essayer de reconstituer le niveau de la mer au cours du temps. Alors, on va essayer de se rapprocher de cette falaise. Et pour comprendre à la fois comment cette grotte a pu se former dans les calanques et quelles sont ses particularités, il faut s'intéresser aux cartes. Et c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour, Alexandra Delbo. Bonjour. Pour ce reportage, vous vous êtes rendu à Marseille. Oui, j'ai rencontré Bruno Arfib, enseignant-chercheur à l'université Aix-Marseille, au CEREJ, et spécialiste de l'hydrogéologie karstique. Alors les karsts, ce sont des vides présents dans les massifs calcaires, comme dans les calanques, et petit à petit, ces vides se forment, vont subir l'érosion de l'eau, mécanique et chimique, ce qui va creuser des conduits, des réseaux qui s'agrandissent et finalement constituent une grotte comme la grotte Kosker. Et autre particularité et deuxième spécialité de Bruno Arfib, les niveaux marins à l'intérieur de la grotte. Ils ne se trouvent pas au niveau de la mer à l'extérieur, au même niveau que le niveau de la mer à l'extérieur, mais légèrement en dessous. Et c'est aussi une des conséquences du modelage des paysages karstiques, car ces vides-là peuvent aussi être bouchés. Et dans ce cas-là, la grotte devient peu perméable, entraîne une surpression, ce qui diminue le niveau d'eau d'un mètre environ. Sans ce phénomène, certaines peintures seraient immergées. L'histoire géologique des calanques, elle démarre au Jurassique, où il va y avoir des dépôts qui se font en milieu marin. Donc là, on va avoir principalement des calcaires qui se déposent. Et ensuite, on passe au Crétacé, où les dépôts continuent. Donc on a encore des calcaires, on peut avoir de temps en temps autre chose que des calcaires. Et finalement, durant le Crétacé, une partie de la zone des calanques va se retrouver émergée. C'est-à-dire que les sédiments qui se sont transformés en roches vont être plissés, ça c'est l'évolution tectonique. Et une fois qu'ils sont plissés, ils émergent au-dessus du niveau de la mer, et là ils subissent de l'érosion. Donc le karst des calanques, c'est quand on passe des roches calcaires, finalement, à l'existence de vides dans ces roches. Et on emploie le mot karst parce que les vides sont de grandes dimensions. C'est pas juste des petits trous, comme on dit, des pores, c'est pas des petits trous entre les grains de la roche, c'est vraiment des vides où quand ils sont extrêmement grands, l'homme peut aller dedans. En termes de dimension, ça représente quoi à peu près ? Classiquement, on peut dire que les vides deviennent karstiques quand ils passent de quelques centimètres jusqu'à quelques dizaines de mètres. Et ce paysage se met en place lorsque l'eau s'écoule dessus et dedans. L'eau va avoir une action d'érosion, donc une érosion mécanique, mais elle va également avoir une action d'érosion physico-chimique. chimique au sens une partie de la roche va passer dans l'eau et être dissoute. Donc l'eau souterraine qui circule au sein des petits vides de la roche va petit à petit éroder, agrandir les vides et à la fin, quand les vides sont les plus grands, on a les grottes. Donc c'est une multitude de strates qui finissent par faire un vide plus important par le lessivage. Si on pouvait faire des étapes, en fait. Alors si on fait les étapes, il y a tout d'abord l'eau de pluie qui s'infiltre dans des vides de petite dimension, qui circule, qui petit à petit agrandit les vides en formant des galeries. Et puis une partie de ces galeries va s'effondrer sur elle-même, laissant un chaos de blocs au sol, sur lequel aujourd'hui nous pouvons marcher dans la grotte, sur lequel marchaient également les hommes préhistoriques. Et il ne faut pas oublier qu'une fois que les vides sont créés, ils peuvent être potentiellement comblés de manière temporaire. Donc ils sont comblés soit par des sédiments fins, de l'argile, des grains de sable, qui sont transportés par l'eau aussi. Et ils peuvent être également comblés par des dépôts de calcite qui forment les concrétions. Et autre phénomène exceptionnel de cette grotte, une fois qu'elle a été remplie par l'eau, ce qu'on remarque, c'est que le niveau de l'eau à l'intérieur de la grotte est plus bas que le niveau de la mer. Comment est-ce qu'on l'explique ? Le niveau dans la grotte Coscar, il est complètement incroyable, parce que bien sûr, il est en relation avec la mer. Donc dans une grotte normale, on aurait le niveau dans la grotte, qui est une grotte littorale, qui se trouve à peu près au même niveau que celui de la mer. Dès les premières plongées, dans les années 90, les plongeurs ont tout de suite vu sur leur montre, sur leur manomètre, qu'ils étaient dans l'air, dans la grotte, mais avec une pression importante, le manomètre, l'instrument de plongée, indiquant même qu'ils étaient en fait sous l'eau. Donc ceci traduit tout simplement que l'air dans la grotte est en surpression, c'est-à-dire que la pression dans l'air est plus forte que la pression à l'extérieur de la grotte. Et le résultat est direct, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente la pression dans l'air, en fait, on pousse les plans d'eau, et les plans d'eau qui sont en connexion avec la mer, et ces plans d'eau, finalement, se retrouvent aujourd'hui quasiment, aux meilleures périodes de l'année, un mètre plus bas que le niveau de la mer. Et ça, c'est parce que le plafond, toute la grotte est bien bouchée. Oui, pour que ce phénomène ait lieu, il faut que la grotte, il faut que le calcaire qui est autour du vide de la grotte soit complètement bouché, quasiment imperméable. Et ça, c'est assez rare quand même dans le quartz, du coup. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est d'autant plus exceptionnel qu'on est dans une grotte, qu'on voit des phénomènes karstiques un peu autour, on voit qu'il y a des vides un peu partout, mais en fait, les vides ont été comblés au point de permettre cette mise en charge. Et qu'est-ce qu'on sait maintenant de l'élévation ? Du niveau de la mer à l'intérieur aussi. Est-ce que du coup, inexorablement, tout ça va finir par être lessivé et disparaître ? Le niveau de la mer, il a commencé à monter avec la dernière glaciation. Et petit à petit, le niveau est monté, passant d'environ moins 120, moins 130 mètres, pour arriver jusqu'à l'entrée de la grotte, qui est à peu près à moins 37, moins 35 mètres. Donc là, on était il y a à environ 10 000 ans. À partir de 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, le niveau d'eau a continué à monter. Et aujourd'hui, dans la grotte, finalement, le niveau est à peu près un mètre en dessous du niveau actuel de la mer. Et il bouge, ce niveau, au cours de l'année. Donc, nous, ce qu'on étudie, c'est comment ce niveau d'eau bouge à plusieurs échelles de temps, au cours d'une année, donc en fonction des saisons, au cours d'une succession d'années. Est-ce que finalement, il y a des années où le niveau d'eau monte un peu plus haut que d'habitude ou descend un peu plus bas que d'habitude ? Et également à des échelles de temps très courtes, comme par exemple ce qui se passe quand on regarde toutes les minutes ou toutes les heures au fil de la marée. Ou qu'est-ce qui se passe quand il y a des tempêtes ? Alors j'ai pas dit tempête par hasard, c'est parce que ça fait partie d'un des éléments qu'on a identifié comme étant un élément majeur qui aide, voire même qui permet de faire rentrer de l'air dans la grotte. À terme, étant donné que le niveau de la mer, lui, continue de monter aujourd'hui, le niveau dans la grotte va continuer de monter. Donc il va continuer de monter comme le niveau moyen de la mer, à quelque chose près du phénomène de surpression. Une des craintes que nous avons, c'est que le phénomène de surpression disparaisse. Et à ce moment-là, on aurait le cumul entre la montée du niveau marin actuel, du fait des activités anthropiques en particulier, et également la montée soudaine du fait de la perte de surpression. pour étudier plus en détail ces variations de niveau de pression, de niveau d'eau, de niveau d'air, on a une thèse de doctorat qui démarre. Donc on a eu le soutien de l'université, le soutien d'un autre laboratoire qui est le LRMH, le laboratoire de recherche sur les monuments historiques, afin de reprendre toutes les données physiques qu'on a acquises ces dernières années et de les traiter avec une approche qui est à la fois physique et naturaliste. C'est classiquement ce qu'on fait en géosciences. Voilà pour ce reportage à Marseille. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Édouard Barre? Eh bien, je suis très heureux que les travaux continuent. Et puis, encore une fois, ça montre aussi tout le risque et toutes les questions encore qui restent en suspens sur le futur de la grotte Cosquer, l'avenir. Et donc, c'est vraiment important justement de la préserver. L'inquiétude importante, justement, c'est cette montée inexorable du niveau marin que l'on prévoit pour la fin du siècle. Donc plus un mètre, c'était très clair que ça va avoir un effet sur les peintures, et donc d'où la nécessité effectivement de s'en occuper, d'essayer de comprendre ce phénomène de surpression, et d'essayer aussi, c'est ce qui est en train d'être fait, de faire une réplique, une reconstitution de la grotte Cosquer, qui va être inaugurée l'année prochaine à Marseille, et donc ça montre l'importance aussi de cette reconstitution. On parlera bien sûr tout à l'heure de la grotte Cosquer. N'est pas éternelle, en tout cas les peintures ne sont pas éternelles à cause de cette montée inexorable du niveau marin. On parlera bien évidemment à la fois des peintures et de cette reconstitution tout à l'heure. Carole Fritz, finalement, si on en revient un petit peu à ces conditions géophysiques, géoclimatiques, je sais pas comment on peut dire, de la grotte Cosquer, c'est un peu un paradoxe parce que finalement c'est ce qui a permis à la grotte de maintenir une espèce de stabilité, mais par ailleurs ça la détruit. Ça détruit en tout cas les représentations qui y sont présentes. Alors, il faut juste une précision, ça ne détruit pas que les représentations, ça détruit également tous les sols archéologiques, oui, puisque la mer va ronger ces sols archéologiques, qui sont fondamentaux, puisqu'ils se sont les témoins des activités également qui se sont passées dans la cavité. Et plus on perd un sol, et plus on perd de l'information, tout comme les peintures. Donc c'est un ensemble qui est en train de se détruire. Alors la grotte Cosquer, elle est emblématique pour ça, parce que, comme le disait Édouard Barre, elle disparaîtra. Quand, je ne sais pas, mais elle disparaîtra, puisque la montée du niveau marin est inexorable, et on est mal parti pour que ça change. Mais ces problèmes de climatologie, de changement de climat, ça affecte également les autres grottes, hormis en France, en Espagne et en Europe. Et on voit aujourd'hui des changements dans la climatologie de ces lieux. Et on le sait tous, pour les préserver, ces lieux, il faut justement préserver cette climatologie très particulière, où on a un taux d'humidité très fort, avec une température très stable. C'est justement ça qu'il ne faut pas changer, c'est ça qui est en train de changer. Les grottes sont toutes sous surveillance, si je puis dire. Et on regarde l'avenir avec un peu de frayeur. Et on en avait parlé évidemment de cet aspect très organique de chacune de ces grottes dans l'émission qu'on avait consacrée notamment à la surveillance du climat interne de la grotte Chauvet, c'était il y a un an à peu près, donc on va vous partager le lien sur le fil Twitter. Carole Fritz, une petite question, vous parliez des sols, est-ce que des choses ont pu quand même être mises au jour sur les sols de la grotte Cosquer, les quelques sols qui sont émergés, qui ne sont pas dans l'eau, et qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence sur la fréquentation? Est-ce qu'on a trouvé des fossiles, ou est-ce qu'on a trouvé des choses un petit peu de ce type-là qu'on peut retrouver par ailleurs dans d'autres grottes ornées? Alors, on a les sols archéologiques préservés dans une grotte ornée, ce sont des sols qui sont vraiment rares. Pourquoi? Parce que la majorité des grottes ornées, sauf les grandes découvertes des dernières décennies, ont été faites au temps où on ramassait plutôt au sol ce qu'on trouvait sans vraiment le documenter. Or maintenant, quand on a des sols comme ça, on le fouille comme un sol archéologique et comme un site archéologique classique. Et l'intérêt de ces sols, c'est de les mettre en relation avec les parois, c'est-à-dire d'avoir une vision, on va dire, d'anthropologie culturelle. Ces objets qui sont au sol, à Cosquer, on a des silex, on a des foyers, on a certainement d'autres choses qui n'ont pas encore été répertoriées. Et l'intérêt, ça va être justement de comprendre ce lien entre sol et paroi. c'est-à-dire comprendre le lien entre la fonction de l'objet et ce que l'on a sur ses parois. Ils se sont éclairés, ils ont certainement mangé, puisque dans toutes les grottes ornées, on a ce qu'on appelle des aires de séjour, c'est-à-dire des endroits où... des aires de pique-nique, finalement, c'est un petit peu l'endroit où ils devaient... Voilà, de pique-nique ou même de séjour plus long terme, parce que des fois... On allait dans une grotte pour faire certainement des rituels ou choses comme ça et ça demandait plus d'une journée. Oui. Donc on a ces choses-là qu'il faut vraiment regarder de manière minutieuse. C'est ce que j'appelle de l'archéologie des grottes ornées, qui est une archéologie très particulière puisqu'on est dans une archéologie où le symbolique est très très fort, c'est-à-dire que toute action a certainement une portée symbolique pour le groupe et pour les personnes qui produisaient un geste. Mais justement, puisqu'on parle de ces gestes et des symboles, on va y venir dans un instant, ce sera juste après ça. Par Cocoroco dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'une grotte préhistorique, la grotte Cosquer, et nous en parlons avec Carole Fritz, spécialiste de l'art pariétal, directrice de recherche CNRS à la Maison des sciences de l'homme de Toulouse et directrice de l'équipe scientifique de la grotte Chauvet. Avec nous également Édouard Barre, climatologue, chercheur au CEREJ à Aix-en-Provence et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Évolution du climat et de l'océan. Carole Fritz, on a éludé un petit peu les premières réactions à cette découverte de la grotte Cosquer, à cette invention, comme on le dit dans le milieu des pariétalistes, de la grotte Cosquer par Henri Cosquer en 1991. Parmi les chercheurs, parmi les scientifiques, dans les premières réactions, certaines personnes ont été assez dubitatives et ont même dit que c'était potentiellement une fraude. Alors pour quelles raisons, au début, certains chercheurs ont été dubitatifs ? Pour des raisons déjà, le fait que la grotte soit une grotte, on va dire, sous-marine à l'heure actuelle. Ils doutaient, si vous voulez, des possibilités de conservation, de dessin dans ce type d'environnement. Et puis, ce qui les a fait douter aussi complètement, c'était la présence d'animaux marins comme les phoques ou les pingouins. Alors, on en connaissait des animaux marins, mais pas des phoques, des pingouins. Et puis, certains chercheurs trouvaient que les animaux n'étaient pas classiquement réalisés. Après, c'était le doute. Donc, quand ça on n'a pas un duré. Doute, on va trouver qu'il n'a pas duré, mais on va trouver tous les arguments pour aller... vous savez, quand on veut dire que son chien a la rage, voilà. Donc c'était un peu ça, et puis ça n'a pas duré. Et puis les chercheurs qui ont produit un certain nombre d'articles dans les journaux locaux, dans des articles scientifiques, ils se sont vite après rangés sur. Ils ont pas fait leur mea culpa d'inceptique, mais ils ont accepté la grotte Cosquer quand les premières dates sont arrivées. Ça, il n'y avait plus de doute possible à avoir. Puisqu'on parle de ces représentations, notamment de ces représentations inédites d'animaux marins, de pingouins, c'est intéressant de se dire que vers Marseille, on voyait des pingouins il y a 30 000 ans, ou bien des phoques. Puisqu'on parle de ces représentations d'animaux, expliquez-nous un petit peu de quelle nature est ce bestiaire présent sur les parois de la grotte Cosquer, bestiaire qui a en partie disparu, puisqu'on le rappelle, le niveau de l'eau a monté et a donc sans doute détruit une partie des représentations, voire une grosse partie des représentations. Oui, c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, on a les parties supérieures des grandes salles. Donc, on n'a pas la totalité de l'ornementation de la grotte Cosquer. Au total, aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, je me réfère aux publications de Jean-Claude et Jean Courtin, 95, c'est eux, l'étude scientifique jusqu'à maintenant dans la grotte, c'est leur plongée avec Luc Van Rel. Ils ont répertorié à peu près 200 figures, dont 65 mains négatives, il y a 135 représentations animales. Et on est dans un bestiaire classique du paléolithique, cheval, bouquetin, cervidé, aurore, bison. C'est vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a deux mégacéros, un noir, un gravé, il y a une tête de félin. Donc là, on est vraiment dans un bestiaire plutôt des premières périodes, justement des périodes anciennes de l'art paléolithique. Donc on est bien dans du gravétien, ça colle très très bien. Autour de moins 30 000 ans, oui. Et puis on est dans ce bestiaire, et on a chaque grotte a sa particularité, vous savez, pas propre à Cosquer, mais cette particularité qui est la représentation de phoques, il y en a 9, 3 pingouins, ça veut dire aussi, ça nous met aussi en lien direct avec la mer, même si la mer est à 20 km, ce sont des groupes chasseurs, cueilleurs, collecteurs qui ont l'habitude de la mer, puisqu'en fait, on a des éléments marins qui vont entrer, on va dire, dans le corpus mythologique de ces groupes. Il y a même, je crois même, excusez-moi de vous interrompre, il y a même, je crois, alors ça fait pas consensus, mais il y aurait des représentations de poulpes et de méduses. Là-dessus, il y a débat. Oui, il y a débat. Je pense qu'il va falloir attendre les recherches qui vont se mettre en place. On espère bientôt. Le ministère de la Culture a demandé à Cyril Montoya, qui est conservateur régional d'archéologie à Montpellier, de constituer une équipe scientifique pour aller étudier au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2021, Cosquer, et surtout Cosquer, parce que c'est une étude aussi qui équivaut à un sauvetage, comme on l'a dit tout à l'heure, le niveau de la mer remonte, efface les dessins, donc il faut vraiment faire quelque chose rapidement. Donc Cyril Montoya va mettre en place cette étude. Donc est-ce que les poulpes ou les méduses existent vraiment? Moi je vous dis, j'y suis jamais allée, je peux pas vous le dire. Je pense qu'il faut attendre cette nouvelle étude pour avoir plus de précisions sur ce bestiaire. Faut pas oublier que Jean Courtin et Jean Clotte, ils sont allés peu de temps dans la grotte, puisqu'il y a eu deux grandes études menées par Jean Clotte. C'est surtout dans les années 90, début des années 90, où lui, il est sur un bateau, Jean Courtin dans la grotte, et Jean Courtin filme, et il y a tout un réseau qui amène l'image à Jean-Claude sur le bateau. Ce sont pas des conditions vraiment optimales pour étudier. Et surtout, c'est les missions de 2002 et 2003. Quand Jean-Claude, après avoir passé son brevet de projet, est allé dans la grotte, alors pas par le chemin emprunté par Cosquer, par un autre chemin, pour faire une étude qui a été une étude rapide et une étude plutôt un inventaire de ce qu'il y avait dans cette grotte, que ce soit sur les sols et les parois, et c'est sur cet inventaire que l'on réfléchit aujourd'hui. On parlera tout à l'heure, bien sûr, des priorités scientifiques qui sont celles des chercheurs actuellement pour étudier la grotte Cosquer. Si on en revient à cette question des représentations, on a évoqué les représentations animales. Il y a pas mal aussi de présence humaine dans cette grotte indirecte et symbolique. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on peut voir. Il y a des présences classiques, on va dire, avec des mains négatives, ces espèces de mains avec les contours qui ont été soufflés un petit peu avec la technique du pochoir. Il y en a une soixantaine, je crois. Mais déjà, comment elles sont disposées dans la grotte, ces mains? Parce que je crois qu'il y en a une concentration à un endroit un petit peu particulier, Carole Fritz. Oui, alors il y a 65 mains négatives, il y en a des rouges, il y en a des noires, et surtout il y a une draperie de mains noires au-dessus d'un grand puits qui est aujourd'hui en noyer. Alors le problème, c'est de réfléchir à la circulation et à l'organisation spatiale d'images comme celle-ci sur une cavité qui est quasi en noyer, et donc on connaît pas la structure sous-jacente, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc aujourd'hui on est face à un grand puits, je ne sais pas s'il y avait un grand puits au moment du paléolithique. Est-ce qu'il était creusé à ce moment-là? Oui. Voilà, c'est alors est-ce que c'est un puits de soutirage ou est-ce que c'est un... il y a une vraie étude cartologique à faire pour essayer de comprendre justement l'environnement des paléolithiques au moment où les dessins ont été faits, et c'est très important puisque quand on étudie ces dessins, on étudie leur répartition spatiale, et cette répartition spatiale, elle répond de certaines particularités de la cavité, des puits, des soutirages ou pas. Est-ce qu'ils arrivaient à passer? Est-ce qu'ils ont construit quelque chose pour passer au-dessus, aller faire les mains? C'est très très important de répondre à ça avant d'analyser la répartition actuelle. Alors à l'heure actuelle, oui, la draperie des mains noires est au-dessus du puits en noyer de 24 mètres, comme les mains rouges sont dans la salle de droite, la salle du félin, quand on rentre par la galerie d'accès. Donc il y a ces mains, c'est vrai, qui sont très importantes, qui sont caractéristiques de la période. Et une des caractéristiques pour Cosquer, c'est que ces mains, elles sont, si vous voulez, incisées, c'est-à-dire comme si ils ont voulu les effacer pour certaines d'entre elles, ce qu'on appelle de l'iconoclastie, mais voilà, ils ont essayé d'effacer ces mains. Elles ont été griffées, raclées. Voilà. Et ça, c'est unique pour le moment dans l'art paléolithique, puisque un dessin effacé dans l'art paléolithique, ça se voit très bien, parce que quand vous dessinez sur une paroi, tout geste appliqué sur cette paroi laisse une trace. et les mains comme ça, des mains effacées, on n'en a pas d'autres exemples à l'heure actuelle. Oui, c'est très rare de voir une volonté de détruire une œuvre présente dans l'art pariétal, donc ça suscite encore plus de curiosité et de questions autour de cette grotte Coquer. Ces mains, elles appartiennent à des hommes, à des femmes, à des enfants aussi, je crois, Carole Fritz, il y a une petite trace assez touchante d'une main d'enfant à un endroit particulier. Ah, ben vous voyez, là, je l'ai oublié. Alors, je vous le dis parce que je fais semblant de pas savoir, mais en fait, c'est une trace. C'est des empreintes de main. C'est un tracé en fait au plafond à 2,20 mètres du sol, ce qui moi m'a ému puisque en fait on imagine que cet enfant a été porté à bout de bras ou en tout cas sur les épaules pour imprimer sa main dans ce matériau souple et mou qui était présent au plafond de la grotte Coscar. Coscar, donc on le comprend, c'est une grotte de première importance. Édouard Barre, aujourd'hui, on comprend qu'il n'y a pas eu beaucoup de missions scientifiques. Alors certes, parce que l'accès de Coscar a été éminemment compliqué pour les chercheurs. Tout le monde n'est pas un plongeur et un archéologue chevronné à la fois. Est-ce que on peut pas dire aussi que l'étude de Coscar a pâti de la découverte de la grotte Chauvet 3 ans plus tard, qui a été un petit peu une espèce de grand coup de tonnerre dans l'histoire de l'art pariétal et dans l'histoire de l'archéologie? Je ne sais pas si ça a eu une influence néfaste. Encore une fois, les deux sont absolument superbes et ont des caractéristiques complémentaires. Donc je ne crois pas qu'il y ait une grande influence. Encore une fois, ce qu'on peut faire en science, on a effectivement des moyens limités. Donc ce qui est dédié à une grotte peut effectivement être retiré à une autre, mais encore une fois, les deux sont tout à fait, méritent absolument de nombreuses recherches et c'est vraiment important. J'aimerais revenir en fait sur certains aspects en fait que vous avez abordés, en particulier sur la découverte et sur les controverses qui ont eu lieu au début. En fait, il y avait à la fois une controverse sur la certains ont prétendu qu'il s'agissait d'une pacification. Certains arguments étaient liés en fait au niveau marin, parce que le niveau de la mer pendant les derniers millénaires, pendant les derniers 10 000 ans, dans certaines zones, était effectivement plus haut que le niveau actuel, pour des raisons géophysiques que je ne vais pas détailler. Mais certains, donc justement, ont appliqué ces courbes de niveau marin, qui ne sont pas réalistes en fait pour Marseille, pour prétendre justement que ces peintures auraient dû être effacées par ce niveau de la mer plus haut que l'actuel. Alors qu'en fait, il y avait effectivement ces peintures au ras de l'eau au niveau de la grotte Coscar. Mmh. Et en fait, c'est quelque chose qui a été démenti par la suite avec des études géophysiques. Nous y avons participé, mais pour montrer justement que le niveau de la mer pendant les derniers 10 000 ans n'a jamais été plus haut que le niveau actuel au niveau de Marseille et donc forcément de la grotte Coscar. Donc il y a des arguments techniques en fait qui étaient déjà présentés avant même qu'il y ait ces datations réalisé avec le radiocarbone, et c'est effectivement les datations au radiocarbone, toute la campagne en fait de datation directe en fait sur les peintures, sur les charbons des peintures, qui ont été essentiellement pilotés par Hélène Baladas au laboratoire du LSCE à Gif-sur-Yvette, qui est affilié au CEA, grâce à un accélérateur de particules, essentiellement le temps des troncs, qu'il y a eu démonstration de l'ancienneté et des différentes phases qui ont été identifiées avec une plage de temps qui est relativement conséquente, entre 18 000 ans et 33 000 ans. Donc c'est vraiment important de revenir justement sur cette preuve fondamentale réalisée de même à Chauvet par les mêmes laboratoires de l'ancienneté de ces peintures. Et donc pour un climatologue, c'est une période en fait qui est relativement longue. Qui est caractérisé pas seulement par des périodes froides, mais aussi des périodes chaudes. C'est une phase en fait caractérisée par des fluctuations très importantes. Mmh. Donc, ce qui est emblématique, c'est effectivement ces représentations de pingouins. Hein, c'est un pingouin qui existait dans l'Atlantique Nord jusqu'au 19e siècle, qui a été le dernier à être tué, je crois, en Islande, mais donc qui est tout à fait emblématique des températures froides de l'époque. Mais les climatologues, les paléoclimatologues, ont beaucoup d'informations, en fait, beaucoup plus quantifiées, beaucoup plus chiffrées sur les températures et les fluctuations climatiques pendant cette plage de temps. Mmh. Il faut imaginer que de 33 millions à 18 millions avant le présent, eh bien, le climat était effectivement plus froid en moyenne, mais il y avait des grandes fluctuations. Et on peut imaginer, est-ce qu'on peut imaginer, Édouard Barre, on le disait tout à l'heure, que finalement les préhistoriques entraient à pied sec dans cette grotte, on est dans un massif karstique avec pas mal de cavités d'entrée, de tunnels comme ça dans la roche. Est-ce qu'on peut imaginer qu'actuellement il y ait des dizaines, des centaines, des milliers de grottes Koskaer qui dorment dans le voisinage de cette grotte qui a été, grand merci à Henri Koskaer, découverte en 91? On peut imaginer tout à fait qu'il y en ait une, des dizaines, des centaines, c'est très clair. C'est peut-être un peu trop gourmand, ouais. C'est peut-être mais trop optimiste, mais il est très clair que il y a beaucoup de grottes qui sont accessibles en plongée et qui quelquefois débouchent effectivement au-dessus du niveau actuel, donc avec des salles qui peuvent être préservées, mais même les salles qui sont inondées, même si les peintures ont probablement toutes été effacées, il reste encore les gravures. Et ce qui caractérise l'art pariétal de Koskaer, c'est à la fois des peintures et des gravures. Mmh. Et donc, s'il ne reste que des gravures dans des grottes qui sont totalement submergées, eh bien, ce sera déjà un point important. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, il y a de très nombreuses grottes dans les karsts, et en particulier dans le massif des Calanques, mais que l'essentiel des plongées sont réalisées entre 0 et 40 mètres. Mmh. Aller au-delà de 40 mètres en plongée loisir, on va dire, c'est relativement rare. On peut aller jusqu'à 60 mètres avec de l'air, avec des bouteilles d'air, mais au-delà, il faut effectivement des mélanges spéciaux. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que effectivement, il y a toute la frange entre 120 mètres en dessous du niveau actuel qui correspond au maximum glaciaire et 40 mètres, toute cette plage bathymétrique entre 120 mètres et 40 mètres, eh bien, elle est relativement peu visitée par les plongeurs, et il y a très probablement d'autres grottes, et on peut l'espérer, une, voire peut-être plusieurs grottes équivalentes à la grotte Koskaer. Mais encore une fois, de nombreuses recherches aussi en plongée doivent être réalisées pour effectivement identifier ces grottes profondes avec cette difficulté d'accès beaucoup plus importante. Et avant ça aussi, avant de prospecter dans la falaise, Carole Fritz, il est très important de sauver ce qui peut l'être, ou en tout cas la mémoire de cette grotte Koskaer. C'est le sens de la reconstitution qui sera ouverte à Marseille en 2022. En quoi est-ce que cette reconstitution-là accompagne finalement le travail de scientifique et de sauvegarde de la mémoire de la grotte Koskaer? Alors, juste pour préciser que Chauvet n'a pas arrêté la recherche à Koskaer. Non, c'était loin de moi l'idée de dire parce que j'adore la grotte Chauvet, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça a ralenti. Non, Jean-Claude et Jean Courtin ont fait une vraie recherche à Koskaer. Elle s'est arrêtée parce que ils avaient terminé, si vous voulez. Mmh. Donc là, la reprise potentielle qui va se faire, c'est aussi une recherche de sauvetage. Oui. C'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Comment l'espace de restitution, pour le moment, l'espace, ce qui se passe à l'heure actuelle sur l'espace de restitution est complètement déconnecté de la recherche. Équipe de recherche. Il n'y a pas de lien entre cet espace de restitution et la future équipe qui va travailler dans la grotte. Ces liens vont se construire, bien sûr, on peut l'imaginer, c'est important qu'il y ait cet espace puisque ça a permis aussi que la grotte soit entièrement scannée en 3D, en photogrammétrie. Donc ça veut dire qu'on a une documentation de premier ordre aujourd'hui. Oui. Pour justement la préservation. Et on suivra. Et on suivra bien évidemment les futures recherches sur la grotte Koskaer. Merci beaucoup à tous les deux, Carole Fritz et Édouard Barre, d'être venus nous accompagner tout au long de cette heure. Merci à vous toutes et vous tous pour votre écoute attentive au cours de ces derniers mois. Ça a été un honneur et un plaisir de vous accompagner du lundi au jeudi dans ce monde foisonnant des sciences. Dès demain, je repasse le relais à Nicolas Martin, qui reviendra à temps plein aux manettes de la méthode scientifique. Et je vous retrouve en janvier du côté des reportages. La méthode scientifique n'est rien, faut-il le préciser, sans celles et ceux qui la fabriquent et qui la pensent. Un merci immense donc à Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin. À la réalisation, Olivier Bétaraka, Forestman, dont vous pouvez écouter la musique en ligne, courez-vous rafraîchir les oreilles. À la technique aujourd'hui, Ryan Berkey et Florent Bujon. La méthode scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini.